Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Diantre, mais comment faire lire les ados? Pire, comment leur faire lire des livres d'histoire? La réponse dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ah, nous avons tous connu ce moment terrible, cette angoisse qu'offrir à un adolescent, à une adolescente pour son anniversaire, pour Noël, pour toute autre fête. Ah bah tiens, pourquoi pas un livre, c'est une bonne idée ça. Il faut que la jeunesse lise des livres au lieu d'avoir les yeux sans cesse rivés sur un écran. Mais débute une nouvelle angoisse. Quel livre choisir ? Et nous voici en train d'errer dans les rayons d'une librairie. Un roman, un essai, oui, pourquoi pas. Tiens, un livre d'histoire, ah là là, oui. Mais lequel ? Eh bien, les rendez-vous de l'histoire à Blois ont eu l'excellente idée de créer un prix lycéen. Voilà, bah, c'est autant d'idées cadeaux. 5 livres ont été sélectionnés à choisir selon la personnalité de l'ado. Alors, si l'ado est un peu ado écolo, qu'il aime la nature, il y a l'ouvrage de Romain Bertrand, Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature. Oui, parce que les mots nous manquent pour dire ce que nous voyons autour de nous dans les paysages sans cesse. C'est pas mal comme idée ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Michel Pastoureau, Jaune, histoire d'une couleur, parce que le jeune aime le jaune, sans doute. Et puis, il y a l'ouvrage de Patrick Cabanel, La maison sur la montagne, Le coteau fleuri, 1942-1945, pas très loin du bourg de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Noire, en Haute-Loire, Le coteau fleuri était une belle villégiature, mais en 1942, une association de protestants d'aide aux réfugiés a loué des bâtiments avec un objectif, accueillir hommes, femmes, enfants qui sont sortis illégalement des camps d'internement de Vichy. Drôlement intéressant ça. Quel autre livre ? Ah, Véronique Blanchard, vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente sous contrôle de la libération à la libération sexuelle. Alors là, tout de suite, se dire qu'il faut préciser qu'il n'y a pas une volonté en offrant ce cadeau de faire un message particulier. Et puis, comme livre de ces rendez-vous de l'histoire, Charlotte de Castelnau. Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle. Tous ces livres sont bien. C'est Charlotte de Castelnau avec Pascoa qui a remporté le prix. Eh bien, allons à la rencontre de Pascoa. Ça y est, le cadeau est trouvé. Cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'intéresse à l'école et au travail des enseignants, mais tout simplement au plaisir de l'histoire. Oui, enseigner le fait religieux, sensibiliser à la liberté d'expression, étudier des points de programme et aujourd'hui lire des livres d'histoire au lycée. Ce sont des émissions à écouter, podcastées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Bonjour Charlotte de Castelnau. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur en histoire moderne à l'université de Paris, et on ne dit plus Paris Diderot, mais je fais le clin d'œil pour ceux qui retiennent ce nom de Paris Diderot. Et vous avez écrit cet ouvrage, Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, publié aux presses universitaires de France. L'historienne que vous êtes, la professeure des universités que vous êtes, reçoit un prix lycéen à Blois. Il y a quelque chose toujours d'émouvant de se dire que l'on touche un public très large avec un ouvrage d'histoire qui n'est pas un roman, qui est un ouvrage d'histoire avec une vraie réflexion. Je vous pose la question, mais c'est pour vous laisser la parole. J'imagine que ça fait très plaisir. Bien sûr, ça fait très plaisir. Je connais le public des jeunes. Mes étudiants sont juste après le lycée. Donc j'ai des étudiants de L1, de L2, L3. Et bien sûr, pour moi, c'est une reconnaissance très agréable. Et puis, j'ai découvert l'histoire à l'âge du lycée, grâce à des professeurs. Et pour moi, c'est un peu une boucle. C'est formidable. Charlotte de Castelnau-L'Étoile, vous êtes l'auteur également d'un ouvrage intitulé « Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil », publié également aux presses universitaires de France. qui est un ouvrage issu de vos travaux, de votre recherche. C'est un ouvrage d'histoire. Mais nous savons bien, et vous avez évoqué votre jeunesse, que nous ne commençons pas à lire des livres d'histoire en lisant des ouvrages larges, scientifiques. Nous commençons par parfois de la fiction, du roman. Le film nous apporte tout doucement des éléments qui nous donnent l'envie d'histoire. Mais il y a tout un champ à ouvrir pour les historiens, les historiennes, c'est l'ouvrage d'histoire. Je ne sais pas s'il est adapté aux jeunes, mais en tout cas écrit pour un large public, même les lycéens. Oui, alors pour moi c'est un livre d'histoire très pointu en fait. C'est un sujet précis, il y a même des chapitres, j'allais dire... un peu érudit, hein. On parle de théologie, de droit canon, de choses. Mais l'idée, c'était effectivement d'en faire un ouvrage lisible par beaucoup, parce que je pense que les histoires sur lesquelles les historiens travaillent peuvent intéresser très largement. Voilà, donc l'idée, c'était de trouver une forme d'écriture, mais aussi d'expliquer qu'il n'y ait pas d'implicite, voilà, que tout le monde puisse... avoir trouvé les éléments. Alors là, c'est le côté un peu pédagogique, de trouver tous les éléments nécessaires. Donc, l'Atlantique Sud, qu'est-ce que c'est au XVIIe siècle? L'esclavage, qu'est-ce que c'est au XVIIe siècle? L'Inquisition, qu'est-ce que c'est? Donc, expliquer tout en racontant une histoire. Mais je tiens beaucoup à l'idée que, bon, il n'y a rien d'inventé. La rigueur de l'enquête historique est là. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de mettre les deux livres en parallèle, parce que une partie de la recherche du gros livre nourrit le petit livre. C'est exactement ça, mais je l'ai vécu ainsi, Charlotte de Castelnau, l'Étoile. La lecture de Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal, nous conduit à lire plus tard, ensuite, un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves. Il y a vraiment ce cheminement, et avec nous aujourd'hui, ben, deux membres du jury qui ont participé à ce prix lycéen des rendez-vous de l'histoire à Blois. Bonjour Lina Le Bourgeois. Bonjour Xavier Imodu. Alors merci d'être là, c'est vous qui parmi d'autres avez choisi cet ouvrage. Vous pouvez nous rappeler comment s'est passée cette sélection? Donc des livres ont été choisis, il y en a eu 5 et après ils ont été travaillés, c'est ça, en classe notamment. Mais en fait la lecture d'un livre c'est quelque chose souvent de personnel. C'est ça, l'ensemble du jury était composé à la fois d'élèves donc lycéens et d'élèves de classe préparatoire. Et nous avons constitué un groupe de 6 élèves donc de prépa. Nous avons décidé de critères ensemble, le fond, la forme, l'image, l'iconographie, etc. Et chacun de notre côté, nous avons dû lire ces 5 livres pour ensuite déterminer de manière personnelle notre préférence. Nous avons délibéré à 6. Puis ça nous a amené finalement à délibérer avec l'ensemble des élèves. Lina Le Bourgeois, vous représentez le lycée Saint-Cernin de Toulouse, mais c'est la France entière hein, qui est concernée. Avec nous également Florine Arabier, bonjour. Bonjour Xavier Meduy. Alors Florine Arabier, vous avez aussi participé au travail, mais j'ai du mal à utiliser ce mot de travail autour de lecture. Alors bien sûr, il y a cette réflexion sur quel livre est plus intéressant que l'autre, mais il y a toute une part de jugement personnel. Ça entraîne beaucoup de débats de choisir un livre d'histoire pour un prix lycéen. Alors, au sein des 6 élèves du lycée Saint-Cernin, oui, on a quand même... eu de nombreux débats. C'est un débat aussi au sein de nous-mêmes parce que voilà, entre ces 5 livres, personnellement, ils m'ont tous apporté quelque chose. Donc voilà, c'est un ensemble de réflexions et personnelles et à plusieurs qui ont permis de délibérer et de choisir ensuite Pascoa. Oui, Pascoa qui est quelqu'un qui nous interpelle. Pascoa, vous en parlez, hein, Florine, comme quelqu'un que l'on connaît, mais c'est un phénomène que nous vivons tous au moment de la lecture d'un ouvrage et il y a une proximité avec ces gens. Mais sauf que cette personne, Pascoa, est quelqu'un qui a existé, qui a un destin assez étonnant. Lina Le Bourgeois, si l'on vous demandait, l'exercice est toujours difficile, mais de quoi parle ce livre? Ah oui, vaste question. Ce livre donc traite de l'histoire particulière d'une esclave qui part de l'Angola, qui va se retrouver amenée au Brésil, puis au final au Portugal. Elle est rattrapée par l'Inquisition pour une affaire de bigamie, ce qui nous paraît étonnant pour une esclave à cette époque. Et donc, à partir de cette figure particulière d'une esclave, on va aborder des sujets extrêmement larges tels que l'Inquisition, la religion et c'est en ça que ce livre nous a énormément plu, c'est-à-dire qu'on arrive à une figure qui est très attachante de Pascua, mais qui nous permet d'appréhender une histoire très très large du système colonial, non, du système esclavagiste du XVIIe siècle. Et puis le livre, effectivement, a ses différents points de lecture possibles. Il les raconte, un destin, et le destin est extraordinaire au sens où il est là sous nos yeux parce que vous le racontez, nous le connaissons, alors que les esclaves souvent sont muets, ils ne laissent pas de traces. Il faut le travail de l'historienne pour faire ressortir cela. Et puis cette compréhension globale de toute une période, eh bien je vous propose la présentation de Pascua. Pascua, c'est un extrait qui vient de ce livre, Pascua et ses deux maris, de Charlotte Castelnau L'Étoile. Écoutez, c'est une lecture d'Odile Dressel. Elle dit s'appeler Pascua Vieira. Elle est une femme noire affranchie qui a été esclave des époux Domingas Vieira et Francisco Alvarez Tavora au Brésil, d'où elle vient d'arriver. Elle avait été esclave à Massangano, d'où elle est originaire, de Domingas Carvalha, veuve de Domingos Carvalho. Elle a habité à Massangano, royaume d'Angola, puis à Bahia, dans l'état du Brésil. Et elle est âgée de plus ou moins 40 ans. Nous venons d'entendre la transcription de la présentation de Pascua dans les actes du procès qui lui est fait. Charlotte de Castelnau L'Étoile, les sources sont essentielles dans le travail de l'historien, nous le savons tout le temps, dans ce travail-ci. C'est fondamental, c'est-à-dire que ces sources, c'est un procès de l'Inquisition. Où les avez-vous trouvées ? Alors, je les ai trouvées sur mon ordinateur. Comme souvent, on dit, les historiens, c'est là où ils trouvent le plus de choses. En fait, les procès sont en ligne. Ils sont archivés à la Torre do Tombo, qui est les archives nationales du Brésil, du Portugal, pardon. Et effectivement, les archives du Portugal ont numérisé tous les procès. Et autant l'Inquisition espagnole a gardé les résumés de procès, autant l'Inquisition portugaise a gardé l'ensemble des procès. Et ce sont des sources tout à fait fondamentales parce qu'on y perçoit la confrontation, la pression de l'Inquisition, le moyen de se défendre des accusés. Voilà, donc il y a eu beaucoup de travaux sur les questions de l'Inquisition. Et moi, je suis tombée, puisque je travaillais sur le mariage des esclaves, j'ai voulu voir s'il existait des procès liés à des questions de mariage pour des esclaves. Il y a d'autres historiens qui ont travaillé à partir de procès d'inquisition d'esclaves. Et voilà, je suis tombée, c'est comme ça que je suis tombée sur ce procès pour bigamie, qui est un procès extrêmement intéressant, parce que la bigamie, bah, c'est la vie même des personnages qui étaient en jeu. On retrace leur biographie pour voir à quel moment ils se sont mariés deux fois sacramentellement, de manière par un sacrement de l'Église. Et donc dans le cas de Pascua, ce qui est étonnant et qui est vraiment exceptionnel, c'est la source qui est exceptionnelle plus que son destin, parce que finalement elle a un destin qui est commun à beaucoup d'esclaves de l'époque, mais d'avoir une source qui fait une double enquête. L'enquête en Afrique et l'enquête au Brésil. Elle fait même deux fois l'enquête en Afrique. Et donc là, c'est la source est véritablement exceptionnelle. C'est une source volumineuse, c'est un procès, donc un procès ce n'est pas rien. Ça correspond à beaucoup de documents. Alors ça correspond à 110 folios. Or moi j'avais étudié des procès du tribunal ecclésiastique de Rio sur des mariages d'esclaves qui étaient toujours entre 3 et 6 folios. Donc 110, bon, l'historien se dit formidable, là il y a quelque chose, il y a de la matière. Et c'est vrai qu'il y a de la matière, bon... Il y a beaucoup de répétitions dans le procès, c'est pas non plus 110 folios, tous exceptionnels. Mais vous avez là, l'enquête dure 7 ans et elle se déploie sur plusieurs milliers de kilomètres, puisque orchestrée depuis Lisbonne, on envoie à Bahia, on envoie à Luanda et finalement on réenvoie en Angola vers Massangano. Donc, je m'étais amusée à calculer le nombre de kilomètres pour ce procès parcouru par mer, bien sûr sur bateau, mais il y a plus de 70 000 kilomètres. C'est quelque chose d'énorme. Et oui, parce qu'il y a 8 traversées de l'Atlantique pour les papiers, simplement. Là, nous sommes au tout début du XVIIIe siècle avec cette histoire-là. Même fin 17e. Même fin 17e ouais. siècle, oui, parce que c'est vrai que c'est une histoire, évidemment, vous venez de nous le rappeler, hein, Charlotte de Castelnau-l'Étoile, un procès retrace l'existence de la personne par le passé. Et puis, il y a un mode narratif. Le mode narratif est extrêmement intéressant lorsqu'il s'agit d'un procès. Tout part d'une dénonciation. Il y a quelque chose en tant que lectrice, Lina Le Bourgeois, et moi en tant que lecteur c'est la même chose, qui nous accroche. Parce que il y a cette volonté d'avancer et de savoir. Ce mode d'écriture, qui est la forme de l'écriture de l'histoire en soi, a ravi l'ensemble de ceux qui ont choisi cet ouvrage pour les rendez-vous de l'histoire de Blois pour le prix lycéen. Oui, tout à fait. C'est ce qui a motivé notre choix. Parce qu'on s'est retrouvé face à un ouvrage historique véritablement, mais en même temps un véritable plaisir de lecteur, et pas forcément de lecteur d'histoire, mais de lecteur qui a envie de tourner les pages pour savoir qui est cette Pascoa, quelle est sa vie, qu'est-ce que va donner ce procès. Et il y a un véritable suspense qui est très bien mené et qui nous donne vraiment, véritablement envie de plonger, et dans l'histoire particulière de Pascoa, et en même temps de comprendre le contexte global du livre. Voilà, donc dans le travail qui a été fait, nous suivons en fait le document, la source, et nous l'évoquions, Charlotte de Castelnau, l'étoile, la source est essentielle pour l'écriture de l'ouvrage, elle est essentielle également dans l'ouvrage. Et par exemple, tout part d'une dénonciation. Cette dénonciation, c'est une source en soi, le document est là, et vous donnez le document. Il est même troublant de se dire que cet ouvrage, qui fait 280 pages à peu près, donc cette histoire et même ce destin et cette vie, part mais d'une étincelle d'un homme qui dénonce son esclave. Oui, c'est le système de la justice inquisitoriale. Ça part toujours d'une dénonciation. Ce qui est tout à fait effrayant sur ce monde de surveillance, de délation. L'Inquisition organise la délation, c'est-à-dire qu'elle lit, elle fait lire les édits de foi, la liste des délits de l'Inquisition dans les églises. Et si vous ne dénoncez pas, vous êtes susceptible d'être considéré comme complice. Donc voilà, c'est tout un système qui est en place de surveillance, qui permet d'expliquer un procès comme ça, parce que dans un monde, effectivement, sur tricontinental, on arrive à surveiller les agissements d'une simple esclave. Et c'est compliqué pour l'historien de comprendre à la fois ce monde où les distances sont très grandes, les moyens techniques très faibles, et en même temps, où il y a ces formes de surveillance, une simple esclave se retrouve dénoncée parce qu'un cousin de son maître l'a reconnue et dit qu'elle était mariée en Angola. Et du coup, le maître est coincé. Si jamais il ne va pas dénoncer, il risque d'être considéré comme complice. Lui-même a sans doute peut-être des choses à cacher à l'Inquisition. On a tous des choses à cacher dans cette société à l'Inquisition, hein, parce que ça fait peur. Et donc, il y va. Et cette dénonciation ouvre un incroyable procès, puisqu'il faut que la dénonciation parte de Salvador vers Lisbonne, que là, les juges à Lisbonne décident s'ils mènent l'enquête ou pas. Parce que l'Inquisition repose sur cette délation, et en même temps, elle est extrêmement scrupuleuse. C'est un tribunal, en ce sens, très moderne, parce que elle ne laisse pas tomber, il ne suffit pas de payer pour passer à autre chose. Elle fait le travail. Et elle fait un travail d'enquête. Alors, pour l'historien, il n'a qu'à, d'une certaine façon, regarder sur l'épaule de l'inquisiteur, puisque l'enquête est faite, hein, et il suffit de la suivre. Il faut raconter aussi, ça c'est autre chose, mais Charlotte de Castelnau-l'Étoile, effectivement, nous sommes étonnés de ces procès de l'Inquisition. Là, c'est une histoire d'esclave qui serait bigame, elle est dénoncée comme telle, mais c'est une énergie, c'est de l'argent, des années, des gens, juste pour régler ce problème qui pourrait nous paraître insignifiant, au sens où on se dit, ils ont peut-être mieux à faire. Eh bien non, l'Inquisition, c'est du sérieux. Je vous propose d'écouter comment était présentée l'Inquisition dans l'émission Heure de culture française. C'était en 1959. Attention, une histoire de l'Inquisition. Chaque région avait son tribunal, en liaison permanente avec le Conseil. Un Andalou était-il dénoncé à Madrid pour avoir tenu des propos suspects devant un Madrilène rencontré dans une auberge de la Manche alors qu'il regagnait son pays? De retour en Andalousie, il ne tardait pas à être appelé par l'inquisiteur de Cordoue, interrogé, emprisonné et jugé. Les tribunaux formaient avec le Conseil un réseau centralisé où délations et instructions se transmettaient sans défaillance. Ce réseau avait des antennes hors de la péninsule, en Italie, dans les Flandres, en Amérique, partout où s'étendait la puissance espagnole. Les livres prohibés étaient efficacement pourchassés sur tout le territoire. La France, avec ses persécutions intermittentes contre les personnes ou les livres, n'offrait rien de comparable à cette organisation. Voilà, la France n'offrait rien de comparable. C'est l'histoire de l'Inquisition dans Heures de culture française en 1959, à la radio, évidemment. Et dans cette lecture que nous pouvons avoir de l'Inquisition, nous avons un petit écho au programme scolaire. C'est vrai que les programmes scolaires parlent du système de l'esclavage, évoquent tous ces aspects-là. Mais par la lecture d'un livre, il y a un approfondissement complet. Lina Le Bourgeois, vous avez lu cet ouvrage, vous l'avez sélectionné aussi. Je ne vais pas vous demander si vous avez voté précisément pour lui, peu importe. C'est cet ouvrage, Pascoa et ses deux maris, qui a reçu le prix. Dans votre travail, vous, de lycéenne, vous avez croisé ces éléments d'histoire par l'enseignant. Et là, vous les approfondissez, c'est comme ça que vous l'avez vécu, cette lecture de Pascoa et ses deux maris ? Oui, c'est à la fois un approfondissement, mais en même temps une découverte, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments qui, à la lecture, étaient extrêmement surprenants et donnaient aussi donc l'envie d'aller plus loin et de découvrir un peu plus, notamment au niveau, oui, du système de l'Inquisition. C'est incroyable de se rendre compte à quel point l'Inquisition portugaise, comme vous l'avez dit, va s'intéresser à une esclave noire. C'est assez étonnant de voir, pas, je ne sais pas si je peux dire cet acharnement, mais cette volonté d'aller faire un procès à une esclave noire. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais en même temps, c'est une découverte du monde esclavagiste que, oui, on évoque, mais jamais aussi profondément. Et on a tendance à un peu évoquer les mêmes choses, c'est-à-dire un aspect de la traite négrière plutôt. On va traiter le rôle des Européens et pas forcément s'intéresser à la vie si particulière des esclaves. Et en ça, oui, c'est un livre qui permet d'approfondir énormément d'éléments que l'on évoque, mais que un peu partiellement. Oui, parce que c'est vrai que l'enseignant, bah, de toute façon, il a une dotation horaire, il ne peut pas multiplier les heures, mais il est là pour donner l'envie, pour donner les pistes, pour aller plus loin, bah, notamment par des lectures. Florine Rabillet, dans cette lecture Pascoa et ses deux maris, évidemment, il y a Pascoa, il y a un destin, une vie, une existence, le vécu d'une personne. Mais à partir de là, vous avez pu découvrir des éléments d'une manière beaucoup plus large de l'histoire de cette fin 17e, début 18e siècle. Oui, tout à fait. J'ai vraiment cette image qui m'est venue quand j'ai reconsidéré l'œuvre à part, par exemple pendant le débat. C'est vraiment l'image d'un arbre dont le tronc serait l'histoire de Pascoa, son procès, le récit de sa vie. Et ainsi, chaque branche permet à Charlotte de Castelnau de s'en détacher un petit peu et d'apporter le fruit de son travail historique, c'est-à-dire tout un contexte culturel, politique, géographique, etc., qui situe en fait l'histoire de Pascoa. Et c'est en cela qu'on en apprend énormément sur l'époque, sur une réalité historique environnante. Et c'est un savoir très très dense qu'elle nous prodigue. Et d'ailleurs, le livre contient beaucoup de témoignages de prêtres, de fonctionnaires, etc., qui constituent un portrait en fait d'une société entière qui est tout à fait inscrite dans le procès aussi. Oui, parce que c'est vrai que la démarche que vous adoptez, Charlotte de Castelnau-L'Étoile, c'est une démarche qui maintenant a fait ses preuves. Alors, ce n'est pas simplement la biographie. La biographie, c'est une vieille tradition. Dans l'historiographie, on écrit la vie de quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'est plus proche de ce qu'on appelle la micro-histoire. S'attacher, j'ai envie de dire, à juste un dossier de procès. Et la source est là, et de là, il faut tirer les fils. Vous vous inscrivez un peu dans cette démarche. Oui, oui, oui, pour moi, un de mes modèles, c'est l'historiographie italienne, que ce soit Carlo Ginzburg, bien sûr, ou Adriano Prosperi, qui avait fait un très beau livre sur une infanticide, Luciana Cremoni. Non, c'est effectivement prendre un cas et, à travers ce cas, essayer de montrer une société dans son ensemble. Comment un cas comme ça est possible? Qu'est-ce qu'il nous dit de cette société? Donc j'essaye de croiser d'autres sources, hein. Il n'y a pas que le procès, il y a effectivement d'autres sources. Et l'idée étant de, c'est aussi ce que je fais avec mes étudiants, mais de faire entendre les sources. Avec l'idée que c'est ça qui peut... Et j'aime bien que Lina dise qu'elle a été étonnée, parce que j'aime bien susciter l'étonnement. Je pense que c'est ça le pouvoir le plus fort de l'histoire, c'est de dire au... Enfin, de faire comprendre que les manières de penser peuvent différer et qu'on a à apprendre des autres périodes parce qu'elles n'agencent pas les choses comme nous. Et surtout, nous projetons des fantasmes sur ces périodes-là, alors que quand on étudie ces documents, eh bien, on est obligé de mettre en forme pour comprendre. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, vous avez bien raison d'insister sur le fait qu'il est difficile pour nous de comprendre des visions du monde, celui du temps de l'Inquisition, qui est quelque chose de très complexe sur les relations humaines. Et cette compréhension-là est nécessaire malgré tout pour saisir pourquoi un si long procès a été fait à une esclave, Pascua, parce qu'elle a été accusée de bigamie avec un mari en Angola et un deuxième mari, un second mari au Brésil. Je vous propose d'écouter justement en écho à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire ce destin d'une personne et puis un système plus global, celui de l'esclavage, une chanson, celle de Caetano Veloso, qui chante le 13 mai, je le dirai pas en portugais parce que je le dirai mal, mais il va le chanter beaucoup mieux, 13 mai, en écho à la loi d'or du 13 mai 1888, la loi qui abolit l'esclavage au Brésil. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado. Os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam. O fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão. O fim da escravidão Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado. Os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam. O fim da escravidão, o fim da escravidão. O fim da escravidão Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel. Pra saudar Isabel, oh Isabel. Caetano Veloso qui chante le 13 mai en écho, 13 mai 1888, la loi d'or qui abolit l'esclavage au Brésil. C'est dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, le cours de l'histoire qui s'intéresse aux lycéens qui lisent des livres d'histoire à l'occasion du prix des rendez-vous de l'histoire de Blois, un prix remis pour l'ouvrage Pascua et ses deux maris, Charlotte de Castelnau, l'étoile en est l'auteur. Un livre, nous l'avons bien saisi, qui raconte, parce que l'historien raconte, c'est la base de l'histoire, l'historien écrit, c'est un écrivain, parce que ce sont des livres, et puis il a un regard très particulier sur une période. Charlotte de Castelnau, l'étoile, vous avez travaillé sur ce monde qui nous semble à la fois compréhensible, parce qu'on l'étudie à l'école, parce qu'on en voit des films, on voit des choses, et en même temps extrêmement complexe. Vous avez porté un regard notamment sur le mariage. Vous avez publié Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil. Ce choix du mariage est extrêmement pertinent, parce que à partir de ce moment, à partir de cet objet qu'est le mariage, vous arrivez à comprendre cette vision complexe que peut avoir l'Église sur ce qu'est l'esclavage. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'était, au fond, puisque je m'intéressais à la christianisation d'un pays comme le Brésil, et le mariage est une porte d'entrée, parce que le mariage est la construction de la société. À l'époque, c'est l'Église qui a le monopole des mariages, jusqu'en 1889, justement, au Brésil, juste un an après l'esclavage. L'abolition, oui. Oui, un an après l'abolition, le mariage civil est introduit au Brésil qu'en 1889. Et donc, mariage et esclavage sont dans les fondements de cette construction de cette société, même si tout le monde n'est pas marié au Brésil, hein, c'est pas l'idée. Mais c'est l'idée qu'il faut construire une société où tout le monde aura sa place, même si c'est une place très basse dans la société. Mais de le mariage. Dominer, oui. Est accessible à tous. Et là, ça pose beaucoup de débats au sein de l'Église, de conflits parfois entre les maîtres et l'Église. Et surtout, ça m'a permis de voir assez vite ce qu'on appelle l'agentivité des esclaves, qui, eux aussi, prennent cette question du mariage en main. Et Pascua, pour moi, a été une illustration, parce que Pascua, elle sait avec qui elle veut être mariée, elle sait comment se défendre face au tribunal, et elle n'est pas du tout passive dans l'affaire du mariage. Son mariage, c'est sa vie, et elle entend bien la défendre comme elle l'entend, enfin, comme elle le souhaite. Donc voilà, pour moi, c'est un point d'observation qui me permettait à la fois de voir les projets de l'Église sur cette société, et en même temps de voir comment les acteurs s'emparent de ce projet et comment se construit une société, parce que l'esclavage n'a pas été simplement une affaire de pure contrainte et domination pendant 4 siècles. Hein, la société s'est construite, certains esclaves sont sortis de l'esclavage, d'ailleurs Pascua finit par en sortir, et le monde du Brésil est une société qui s'est construite avec l'esclavage. Voilà, donc c'est un peu. Et le mariage, pour moi, est un lieu d'observation et qui m'a permis aussi de voir les femmes. Parce que, bon, c'est une question intéressante. Les hommes, l'Église, ce sont des hommes souvent. Bon, voilà. Et puis tout d'un coup, avec le mariage, j'ai vu apparaître ces femmes qui jouent de ces règles et qui tentent de dessiner leur propre vie. Charlotte de Castelnau-l'Étoile, vous dites, j'ai vu ces femmes, vous les avez entendues aussi, et c'est extrêmement intéressant dans cette approche, et notamment le fait d'entendre celles qui sont muets par le fait, les esclaves, et d'ailleurs dans l'étude de ces phénomènes, l'esclavage, bien souvent nous regardons par le haut sans voir l'individu, parce que l'individu se tait. Or là, il parle. Je vous propose la lecture d'un extrait de votre livre. Ce n'est pas une source, hein, c'est votre texte, Charlotte de Castelnau. C'est Odile Joissel qui nous lit ce moment où Pascua se défend lors de son procès. Interrogée si elle sait que le mariage est l'un des 7 sacrements institués par le Christ notre Seigneur et un lien qui ne se défait pas, sauf par la mort de l'un des époux, elle répond que oui. Interrogée si elle sait ou si elle a entendu dire par quelqu'un à un moment qu'une femme peut se marier, son premier mari étant vivant, ou si un homme peut se marier alors que sa première femme légitime est vivante, elle répond qu'elle a toujours entendu dire qu'un homme marié ne peut se remarier ou qu'une femme mariée ne peut se remarier alors que son premier et légitime mari est vivant. Interrogée si elle trouve licite de se remarier et si le second mariage est valide alors que la première épouse ou le premier époux est vivant, elle répond qu'elle a toujours su que celui qui a été marié ne peut se remarier ni que le mariage était valide si le premier époux ou la première épouse était vivant. Pascua qui se défend devant ses juges avec cette personnalité quand même de Pascua, c'est quelque chose à souligner, parce que s'il y a un procès aussi long, c'est aussi parce que Pascua apporte des réponses qui font que les juges ne peuvent pas prendre une décision aussi rapide que cela. Lina Le Bourgeois, vous avez lu ce livre. Cette personnalité de Pascua, elle nous émeut évidemment parce que nous voyons son combat et aussi son intelligence. Oui, elle est très émouvante, très touchante, cette Pascua. Bon, c'est l'écriture aussi qui la rend extrêmement touchante, mais ça fait aussi partie de ce que vous disiez juste avant, des éléments étonnants de qu'apporte cet ouvrage. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on a tendance à parler de l'esclavage vu d'en haut, et on va considérer les violences, etc. Et là, on se retrouve face à un personnage, déjà une femme noire qui a traversé l'Atlantique, une femme noire qui a deux maris, et qui défend sa volonté d'affirmer son second mariage. Tout au long, elle va se défendre, elle envoie, elle répond, elle parle portugais. Et donc ça déconstruit aussi une image de l'esclave qu'on a tendance à... de l'esclave noir au Brésil particulièrement, que l'on construit un peu malgré nous à travers nos différentes lectures, ou même l'étude historique qui peut être un petit peu rapide, vous l'avez dit, à cause du temps et des programmes qui sont extrêmement chargés. Et donc oui, ce livre nous fait avoir une esclave qui est touchante et dont on a envie de savoir l'histoire et dont on a envie d'entendre la voix. Et là, le livre est très bien mené parce qu'on nous dit dès le début, il va falloir attendre un peu avant de l'entendre. Donc il va falloir aller un peu plus loin dans la lecture et c'est ce qu'on fait avec plaisir. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un procédé narratif qui est tout à fait efficace, mais c'est normal parce que l'historienne est aussi quelqu'un qui sait écrire et qui doit savoir écrire pour emmener son lecteur, parce qu'il y a des questions qui se posent. Charlotte de Castelnau-l'Étoile Pascua, effectivement, était bigame. Comment se défendre d'une telle accusation ? Elle se défend d'une manière claire, qui est le premier mariage n'est pas un sacrement. Et donc, à travers cette histoire, ça permet de faire l'histoire de la christianisation de l'Afrique, l'Afrique centrale, Congo, Angola, et on retrouve un capucin italien dans l'affaire qui serait celui qui a marié les esclaves de manière collective dans la propriété des maîtres de Pascua en 1676. Et donc j'ai retrouvé des documents de ce capucin italien qui passait par l'Afrique centrale en ayant été envoyé par Lisbonne aussi. Donc oui, finalement, l'histoire de Pascua, on retrouve des documents jusque quasiment au Vatican, en Italie. Hein, et c'est une affaire aussi de géostratégie, parce que entre la colonie portugaise, entre le désir qu'a la papauté de reprendre en main l'évangélisation dans les terres lointaines au XVIIe siècle. Donc bon voilà, c'est comme ça ce que s'entrecroise. Et elle a très bien compris le catéchisme qu'elle a reçu, notamment au Brésil. Elle dit bien qu'en Angola, elle comprenait rien de ce que lui disaient les prêtres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une église africaine en Afrique, puisque le royaume du Congo, s'est converti à la fin du XVe siècle. Donc ce christianisme, il est local, le christianisme africain d'une certaine façon, mais c'est pas le même que le christianisme portugais qu'elle trouve au Brésil, où là, il y a un archevêque, une confirmation, etc. Et donc elle, de manière très intelligente, elle dit c'était une cérémonie des anneaux, ce n'était pas un mariage, il n'y avait pas de consentement. Et c'est intéressant parce que, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais au cœur du mariage, il y a le consentement, hein, qui est un terme que nous connaissons maintenant aussi aujourd'hui dans d'autres contextes. Mais un esclave a le droit au consentement, alors que beaucoup d'actes juridiques sont interdits aux esclaves. Et c'est pour ça que les esclaves sont tellement attachés à cette question du mariage, parce que c'est pour eux une manière de reconnaître qu'ils sont des personnes, qu'ils ont le droit d'exprimer leur consentement. Et elle dit bien qu'en Angola, elle n'a pas exprimé de consentement, alors qu'au Brésil, elle l'a exprimé. Donc le mariage en Angola n'est qu'une union, une forme de concubinage, et on a le droit d'accumuler des concubins. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'avoir deux mariages avec le consentement, hein, puisque le mariage est indissoluble. Et c'est ce qui est passionnant dans cette approche de micro-histoire, pour utiliser le mot, mais tout simplement d'histoire, c'est de regarder ceux qui se taisent toujours pour saisir. Ce qu'on ne peut jamais saisir, c'est l'intelligence des gens. C'est extrêmement difficile de savoir si les gens sont intelligents, comment ils comprennent le monde. Surtout ceux qui ne laissent pas de traces, qui n'ont pas vocation par leur métier, par leur statut à écrire. Or, nous sommes surpris avec ce cas de Pascua d'intelligence, au sens où elle comprend très bien le monde dans lequel elle se trouve. Oui, et vous avez donné un extrait qui était donc un extrait du procès. Et là, j'ai vu l'intelligence, effectivement, de cette femme, parce que Les inquisiteurs aussi sont intelligents. Hein. Et donc, ils la piègent, parce qu'ils disent, ok, votre version, elle est possible. Simplement, ce qui n'est pas possible, c'est que vous auriez dû en parler à ceux qui vous ont marié au Brésil. Vous auriez dû dire qu'il y avait un doute et que vous vous posiez la question. Comme vous ne l'avez pas fait, c'est que vous êtes... Il y a une forme de duplicité. Et là, je vois qu'elle est intelligente parce qu'elle s'arrête. Quand elle voit qu'elle est en train de se faire piéger, elle ne répond plus. Et j'ai lu d'autres procès de femmes aussi ordinaires, enfin de femmes simples, qui tombent dans les pièges et qui finissent par dire tout ce que dit l'Inquisition. Elle s'effondre. Pascua ne s'effondre pas. Voilà. Elle est forte et elle est intelligente, ça c'est sûr. Elle est forte et elle est intelligente. Et puis, elle nous permet aujourd'hui de discuter de sujets d'actualité qui nous touchent les uns les autres, mais simplement en tant que citoyens, citoyennes, pas du tout, parce que nous sommes uniquement passionnés d'histoire. Et c'est votre cas aussi, Florine Rabier, Lina Le Bourgeois, de réfléchir au monde, parce que vous regardez les actualités. Cette question revient sans cesse. Des statues ont été déboulonnées récemment. La lecture de l'histoire n'est pas une évidence. Au lycée, enfin, je ne sais pas comment ça se passe autour de vous, Lina. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas forcément naturellement vers des livres d'histoire. Après, dans nos études, on nous pousse, en prépa, à partir de la prépa, c'est-à-dire que quand on a un programme, on va nous donner des livres autour pour s'intéresser. Mais c'est vrai que je pense qu'on devrait plus motiver à aller vers des livres d'histoire comme celui-ci, parce qu'ils ont des sources qui sont fiables, c'est une véritable histoire historique. On l'a vu, c'est pas juste un roman, mais ils apportent énormément de choses. Et c'est vrai que voir cet esclave qui use qui sait se servir des institutions et qui sait répondre à l'Inquisition, c'est très intéressant parce que ça déconstruit énormément de choses que l'on pensait sûres et certaines. Et ça permet en effet d'avoir une lecture de l'histoire plus complète et donc forcément un petit peu plus juste. Florine Rabier, pour compléter ce que vient de dire Lina, il y a un élément à rajouter dans cette lecture par des lycéens, des lycéennes de livres d'histoire, c'est cette compréhension, vous nous l'avez dit, Lina. Puis, il y a aussi le plaisir, il faut le rappeler toujours, hein, mais que la lecture reste ce moment de plaisir, et quand il peut enrichir, bah, tant mieux, profitons-en. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que ce livre est tout à fait plaisant. On sent en fait que Charlotte de Castelnau-l'Étoile a pris du plaisir à retracer ce parcours-là. On sent l'intérêt, on sent le travail de l'historienne aussi derrière. Et c'est quelque chose qu'elle nous transmet, qu'elle transmet au lecteur relativement facilement, je trouve. Et puis, c'est un plaisir de le lire aussi. C'est donner le goût de l'histoire à des lycéens, c'est leur faire découvrir, leur faire lire de l'histoire autrement aussi. Et puis comprendre le monde. Tenez, je vous propose d'écouter un extrait du journal télévisé de 20h. C'était sur la deuxième chaîne de la télévision française, France 2, le 12 mars 2000. Il était question des excuses officielles de l'Église catholique par Jean-Paul II. C'est revêtu de la chasuble violette, la couleur de la pénitence, que Jean-Paul II se dirige en lente procession vers l'autel de la confession au cœur de la basilique Saint-Pierre pour accomplir un des gestes les plus forts de son pontificat. Car si Jean-Paul II a déjà demandé pardon une centaine de fois, jamais, dans un acte solennel, un pape n'a confessé l'ensemble des fautes commises par l'Église en 2000 ans d'histoire. Au cours d'une liturgie spécialement conçue pour l'événement, 7 péchés sont formulés à tour de rôle par des cardinaux. À chaque confession, une bougie est allumée et Jean-Paul II invoque le pardon de Dieu. Le pardon pour la division des chrétiens, la violence des croisades, l'inquisition, l'esclavage. Le pardon enfin pour le mépris, l'hostilité ou les silences coupables de l'Église à l'égard des Juifs. Plus jamais, dira Jean-Paul II, avant d'embrasser le crucifix en signe de pénitence. Les excuses officielles de l'Église catholique par Jean-Paul II, c'était en mars 2000. Lina Le Bourgeois, vous aviez moins un an, donc. C'est des éléments que nous croisons dans les actualités sans cesse, mais l'histoire est absolument partout, nous le savons tous. L'histoire est là, elle suinte, et la comprendre, c'est autre chose. Dites-nous, Charlotte de Castelnau, l'Étoile, en faisant un ouvrage comme ça sur une esclave entre l'Angola, le Brésil et le Portugal au XVIIe siècle, il y a aussi un écho à l'actualité que vous devez ressentir sans cesse. Et il n'est pas question d'être dans la repentance, il n'est pas du tout question de juger non plus. Ça, c'est ce que fait l'Inquisition. Vous êtes historienne, vous n'êtes pas juge. Mais il y a sans cesse un écho contemporain. Bien sûr. D'ailleurs, vous avez choisi tout à l'heure cette très belle chanson de Caetano Veloso sur le 13 mai 1888. L'Église catholique a condamné l'esclavage de façon officielle pour la première fois en mai 1888, juste après l'abolition de l'esclavage au Brésil. Hein, comme si la papauté, tant qu'il y avait cette grande catholicité, cette grande terre catholique qu'était le Brésil et où l'esclavage perdurait, elle ne pouvait pas se permettre de condamner l'esclavage. Donc vraiment, le choix de votre extrait est très juste. Et bien sûr, une histoire comme celle de Pascoa, elle est là sur la question de comment s'est fait le Brésil, de ces mondes différents. Qui ont été réunis avec beaucoup de violence et aussi avec des formes positives, hein, artistiques. On voit, vous avez mis la musique, la place de ces femmes qui souvent très remarquables. Voilà. Et bon, le livre sort au Brésil là le mois prochain, donc je suis très curieuse de voir comment ça va. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est pas un livre de division, comme les livres d'histoire ne sont jamais là pour diviser, mais plutôt pour enrichir notre culture commune. C'est ça qui est important. Oui, de voir que la société d'aujourd'hui est le produit d'une société complexe, intéressante, qui a eu des aspects négatifs, d'autres où les acteurs ont tous pleinement joué un rôle. Et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut revenir sur ce passé esclavagiste. L'esclavage fait vraiment partie du passé et il faut y remettre toute sa complexité. Voilà, ça, remettre sa complexité, mais la complexité, c'est ce qui nous intéresse. Rien n'est simple, mais en plus, quand ça se dit bien, bah, c'est un véritable plaisir. Merci à vous, Charlotte de Castelnau, l'Étoile. Merci à vous, Lina Le Bourgeois. Merci aussi à Florine Rabier de nous avoir parlé de Pascoa et ses deux maris, qui a donc reçu le prix lycéen au rendez-vous de l'histoire de Blois. Oui, que faire lire aux jeunes pendant longtemps, c'était PIF Gadget, et bien maintenant, il y a PUF, Presse Universitaire de France, et c'est sans gadget. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ah, mais vous êtes un petit peu loin, mais vous êtes toujours avec nous, Anaïs, ce matin dans le journal de l'histoire. Retour sur l'histoire des otages après la libération de Sophie Pétronin. Malgré la polémique en cours sur le refus de l'ex-otage déclenchée par l'indignation des autorités militaires face à son refus de nommer terroriste ses ravisseurs, la libération de Sophie Pétronin a été un soulagement. Après de longues années, elle était là, c'était le 8 octobre 2020. Il y a 20 ans, cette laborantine de formation s'installe dans le nord du Mali, à Gao, où elle ouvre un dispensaire. C'est là que des islamistes affiliés à Al-Qaïda vont la kidnapper le 24 décembre 2016. Inquiète, sa famille se mobilise. Sébastien, son fils, se rend à plusieurs reprises au Mali, mène sa propre enquête, soucieux que Sophie Pétronin ne soit pas oubliée par les autorités. Avec la multiplication des guerres non conventionnelles ou dites asymétriques, le nombre d'otages semble avoir atteint une dimension exponentielle. C'est pourtant la nature même du statut d'otage qui s'est vue bouleversée au cours du temps. Si la prise d'otage a toujours été une arme, ses blessures se sont faites différentes. C'est le sujet de l'historien Gilles Ferragu, spécialiste de l'histoire du terrorisme, qui a publié cette année une histoire des otages. À travers les variations dans le temps de la pratique de la prise d'otage, c'est l'évolution des relations internationales à laquelle on accède. Dans l'Antiquité, l'otage est un gage, mais aussi un hôte, celui qui est reçu, accueilli. Dans l'Égypte des pharaons, envoyer un otage, c'est une manière d'offrir une garantie.